Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur dans ce nouveau podcast de QIBasket.net. Aujourd'hui, on fait les braquettes, puisque la saison, enfin le braquette, pardon, la saison régulière est finie. Il y a eu du suspense jusqu'au bout, donc ça c'était plutôt cool. Et donc, c'est l'heure de faire un petit peu l'analyse des futures confrontations des playoffs. Donc, on va essayer de faire ça de manière calme et sereine, sans se gueuler dessus. Donc pour ce faire, il y a Tancred, Emile et Flo qui sont là ce soir. Bonsoir messieurs. Salut. Bonsoir. Bonsoir. Donc on va attaquer directement avec la conférence Est. On va pas perdre de temps, ça ne sert à rien. Donc le premier match qu'on va regarder ensemble, eh bien, c'est le premier, les Toronto Raptors contre le huitième, les Washington Wizards. Assez bizarre de les retrouver aussi bas, hein, surtout quand on annonçait une équipe beaucoup plus forte en début de saison. On va commencer par, allez, Emile, donne-nous un petit peu ton avis, d'abord sur la match-up, etc. Et ensuite, tu nous donnes ton prono. Déjà, ouais, c'est étonnant de voir cette série-là, puisqu'on attendait clairement les Wizards au-dessus, mais ils ont fait une saison très inconstante, très irrégulière. Ils nous ont déçus un peu partout, quoi. Et puis, Denon a été blessé, il faut le dire aussi. C'est aussi ça qui fait la beauté de cette match-up, enfin, de cette série, c'est qu'il y a deux backcourts All-Star qui s'affrontent. Donc, DeRozan et Lauri pour les Raptors et Bill et Wall pour les Wizards, même si Wall n'a pas été All-Star cette année, ils ont le niveau. Donc c'est même si c'est 1,8, c'est vraiment une belle série, je pense, qui promet, puisqu'il y a deux belles équipes, et puis c'est des effectifs, pardon, un peu com assez complets. Bon, pour moi, je pense je vois trop, je vois les Raptors gagner, je le dis direct. Je trouve qu'il y a trop de bons points entre guillemets pour eux. Donc déjà, il y a l'avantage du terrain, bien sûr. Évidemment, sachant qu'ils sont très très bons cette année à domicile, au Canada Centre. Ils ont un meilleur banc, ils ont un meilleur banc, même si qui score un peu moins peut-être, qui défend très très bien et qui est bon à l'intérieur, notamment avec Sekan Poeltl. Et puis, avec une saison pareille, ils n'ont absolument pas le droit de se rater cette année en playoff, comme ils ont pu le faire les années précédentes. Choke totalement ou douter comme ils ont fait l'année dernière contre Milwaukee, ils doivent prendre les choses en main et ça passe par une qualification contre les Wizards. Ok, ton score? 4-2 Raptors. 4 de Raptors. Floro! Florestan, pardon. Pas de soucis. Comme disait Emile, et comme vous dites, comme tu dis aussi, Stuff, c'est assez surprenant de voir Washington si bas. La saison n'était pas forcément extraordinaire. Cependant, je pense que dans les playoffs, ça va être sympa de voir ce match-up. Je pense que John Wall va se réveiller. Bon match. Après, de là, ce que ça gagne la série, je pense pas. Pour moi, Toronto est vraiment beaucoup, beaucoup trop fort, comme disait Emile, sur le banc, à domicile. Il y a quand même beaucoup de détails qui viennent un petit peu. Pareil, je vois Toronto gagner face à Washington avec un score 4-2. Ouais, pareil. On peut avoir un John Wall et un Bradley Beal qui peuvent s'énerver. À domicile, par exemple. Ouais, tout à fait. Ok. Tancred. Bon, je vais rejoindre mes compères. Je pense qu'on est bien parti sur un 4-2. On va effectivement avoir une opposition de style au niveau des back courtes. Il y aura un rôle à jouer pour les intérieurs pour faire le reste du détail. Ça promet d'être assez intéressant. Moi, je dirais plus ouvert. Après, je pense que là, on en a parlé il y a un moment dans le dernier podcast, l'expérience de Toronto, on sait qu'elle est là. Je vois mal Toronto choquer au point de se faire zapper. Bah, honnêtement, Il si pourrait ça nous arrive, je vous surprendre, il paye. pourrait nous surprendre. Ah, Attention, il attention. pourrait. Honnêtement, si ça arrive, je vous paye tous le McDo. Hein, Ah, et on enregistre les podcasts. allez, Allez, enregistrez, il Washington! n'y a pas de souci. Mais je vois peut-être Toronto faire une petite mise en route un petit peu difficile et effectivement, par exemple, lâcher deux matchs. Je ne les vois pas passer Comme quand tranquillement. Milwaukee, quoi, en fait, un petit peu. Oui, voilà, c'est ça. Je vois une petite mise en route un petit peu laborieuse, mais qui va se mettre en place assez rapidement. Beaucoup moins laborieuse que l'an passé contre Milwaukee. Mais je pense que Washington, dans un petit élan de fierté et une volonté de montrer qu'ils n'ont pas été, qu'ils n'ont pas été à la hauteur de ce qu'ils devaient être dans la saison régulière, et c'est de prendre deux matchs. Donc je vote 4-2 également. Il vote 4-2. Ouais, Washington, saison bizarre, très inconstante, effectivement John Wall absent, mauvaise ambiance dans le vestiaire avec de la friture justement entre Wall et Gortat, par exemple. Oui, ça risque de jouer, effectivement. Ces petits détails-là, ça rate pas. Ça a joué déjà. Donc, si la série commence à se tendre un petit peu, s'ils commencent mal et qu'ils prennent, par exemple, deux tôles, ça peut réveiller ce genre de truc. Maintenant, il faut bien aussi peser le pour et le contre. C'est des mecs qui n'ont pas eu l'habitude vraiment de se foirer à mort dans les vrais grands rendez-vous, c'est-à-dire en play-off. Je parle pas des gros matchs, par exemple, dans l'année qui sont foirés. Mais en playoff, j'ai pas souvenir d'avoir un Wall et un Bill qui se trouent complètement, par exemple. Alors que de côté de Toronto, c'est plutôt l'inverse. J'ai pas vraiment souvenir de les avoir vus gérer à mort. Donc, y a aussi le fait que, par exemple, Washington a quelqu'un pour défendre sur DeRozan. Alors que de l'autre côté, il n'y a pas vraiment quelqu'un pour défendre sur Bill, par exemple. Tu vois ? Donc, et ils peuvent très bien, par exemple, le match contre les Cavs, par exemple, de Toronto, tu vois DeRozan qui est complètement absent. Il fait quelques stats et tout, mais c'était assez facile de le doubler et de le choper en défense et de l'empêcher de créer, comme il a l'habitude de faire, ses propres shoots mid-distance. Donc, il n'y a pas ce problème-là côté Washington, en fait. Par contre, pour remédier un peu à ça, je trouve qu'au niveau des coachs, Dwayne Casey, on l'a vu en début d'année, enfin par rapport au début d'année, il a trouvé comment changer les choses et trouver des solutions, chose que Scott Brooks n'a pas vraiment fait. Donc ça peut jouer aussi. S'il voit que DeRozan est en galère, il peut trouver un système. Après, t'as toujours le problème des joueurs. Si t'as pas les joueurs, t'as pas les joueurs. Non, parce que, ça c'est sûr. Moi, je veux bien tout ce que tu veux, mais tu mets qui sur Bill? Ah non, mais en défense, sur le point de défensif, c'est clair. Mais essayer de trouver. À voir. Je t'avoue, je suis tenté par l'upset. Oh. Oui, je suis tenté. D'entrée de jeu. Je suis tenté. Non, mais tu dis ça parce que tu veux ton McDo, mec. Laisse, voilà. Arrête. Clair. Là-dessus, on est bien clair. Mais je veux dire, d'un point de vue purement basket, non, c'est une possibilité pour moi. Parce que je trouve que Toronto, vraiment, en playoff, c'est un autre délire. Et on en avait déjà parlé quand on avait refait une petite simulation de bracket. On se disait, Toronto, on ne sait pas ce qui nous attend. Ok, on a vu la régulière, très bien. Boban, Van Vliet, Poeltl, etc., très bien. Mais est-ce que ces mecs-là, en PO, ils vont avoir les épaules pour tenir face aux gars en face ? Ah bah ça, c'est la question. Voilà. Est-ce que Otto Porter va faire autre chose que ce qu'il a fait pendant sa saison, par exemple, tu vois ? Parce que s'il se met à shooter à 3 points, ça va être aussi un autre problème à gérer pour Dwayne Casey. Donc, c'est clair, que le facteur principal, ce serait pas le banc, réellement. Si, Washington a plus de facteur X, en fait, capable de scorer, alors que la seconde unité de Toronto, c'est plus de la défense, mais Washington a plus de facteur X, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, je crois qu'on s'est. Pour les deux équipes, on sait pas vraiment les jauger sur la régulière. Parce qu'il y a le passif de Toronto d'un côté, et de l'autre, tu sais que Washington, il y a eu beaucoup de problèmes. Et que ces mecs-là, s'ils commencent à marcher tous ensemble dans la même direction, ça va être très compliqué aussi. Donc, moi, je vais mettre 4-3 Toronto. Voilà. Je vais mettre 4-3 Toronto. Ah, pas d'obsèque, finalement. Non, mais je pense que c'est une série où tu peux avoir tous les scores envisageables. Si un mec vient me dire c'est 4-0 Toronto, je vais dire ouais, c'est possible. Si un mec me dit c'est 4-0 Washington, je vais dire bon, calme-toi. Mais, il me dit un 4-2 Washington, je pourrais y croire, tu vois. Parce que c'est des équipes qu'on n'a pas su sentir en saison régulière. Et alors, pour finir sur le truc de coach que je disais tantôt, Dwayne Casey. Ok, il a fait jouer son banc, il a la chance d'avoir des mecs qui avaient la dalle, et pour une fois, il leur a fait confiance. Maintenant, ça reste Dwayne Casey. En situation de stress, etc., est-ce qu'il va avoir ce petit esprit fin pour faire les bons ajustements, pour développer d'autres systèmes offensifs? Parce que, moi, pour les avoir vus, encore une fois, contre les Cavs, notamment lors de la remontada de 17 points, les mecs en touchaient plus une. En attaque, il n'y avait plus rien. Plus de mouvement de balle, plus de système qui fonctionnait. Et Dwayne Casey, il était là, il regardait les pions s'enfiler sur sa tête, et il ne bougeait pas des masses. À voir. Donc, allez, Faire attention à ce que 4-3 Benintendi ne Toronto. retombe pas dans ses. J'ai pas entendu. Faire attention à ce que Dwayne Casey ne retombe pas dans ses vieux démons et. Ben, c'est pareil. En fait, c'est pareil pour toute son équipe. Est-ce que Toronto va faire du Toronto ou est-ce qu'on va avoir quelque chose de vraiment différent? Mais c'est vrai. Ben, le premier match, il va être super intéressant à regarder parce qu'on va voir justement si ils se mettent en mode là, on a une super saison régulière, on continue notre travail, on fonce, on est la tête dans le guidon, on va jouer notre jeu, imposer notre rythme, pas se poser ces questions. Ou alors, et c'est pour ça que je dis 4-2 parce que je les vois bien, voilà, un peu se prendre la tête entre guillemets. C'est pas forcément la question de Washington, c'est plus la question de Toronto. Et par contre, quelque chose de très important, c'est que l'état d'esprit de Toronto dans cette série va clairement donner le là pour le reste des playoffs, autant pour Toronto que pour l'Est. Parce que vraiment, ce qui va être important à l'Est, on en parlera plus tard dans l'évolution du bracket, c'est la forme de Toronto. Est-ce qu'ils vont y aller ou est-ce qu'ils vont te choquer? Ouais, puis ça Et valait cette pour toutes première les équipes. série, Enfin, c'est vrai oui, qu'ils mais sont spécialistes, mais oui, je vois ce que tu veux dire. pour Toronto en particulier, parce que bon, il y a un passif. Là, il y a un Je petit passif quand même. suis pas inquiet pour le premier match parce que t'es chez toi, t'es premier de conf, tu vois, t'es un peu boosté. Je pense que le premier match, ils peuvent le gagner sans trop de problème. C'est à partir du deuxième que je vais commencer à regarder comment ils gèrent. Le premier, je les vois pas, je les vois pas se prendre une rouste, par exemple. Oh non, pas forcément. Non, non, Après, vraiment. tu sais, Washington, si tout rentre dedans, Bill, c'est une cata. Hein. Et en plus, s'il se met à aller chercher des lancers comme DeRozan fait, voilà, laisse tomber. Hein. Enfin bref, on verra bien. Bradley Beal, si tu nous entends. Il y a un McDo qui nous attend, fais pas le con. Allez, on enchaîne avec Ok. Cleveland Cavaliers contre Indiana Pacers. On va commencer par Flo. Ben, j'ai très très très très très très hâte de voir cette série. On a vu quelques matchs lors de la saison. C'était très intéressant à regarder. L'équipe complète de Cleveland, c'est pas du tout la même chose. Et puis parlons-en, hein, LeBron en mode playoff, ça peut tout Qui? changer. LeBron? Un petit C'est gars incroyable. là, un petit gars. José Calderon. Ouais, Ah oui, José Calderon, oui. Factor X. Ah, ça va chier avec Calderon, les gars. Vas-y, continue, Flo, Plus excuse-nous. clairement, Fais très l'écho. très clairement. Du coup, franchement, on va avoir une très belle série. Le problème, c'est que je sais pas si Indiana va vraiment pouvoir se battre contre un LeBron qui va booster son équipe à 100%. Les matchs vont être serrés, ça, il n'y a pas de souci. Après, Indiana, un match, voire 4-1, deux, si t'arrives, 4-1, voire deux, 4-2. s'ils arrivent à le booster. 4-1 ou 4-2, il faut te décider. Moi, 4-1, 4-2, Cleveland. Allez, un des deux, tu dois dire choisir Non, 4-1 ou 4-2. on va dire 4-1, mais tous les matchs seront serrés, mais il y en a un, on va dire le Oladipo Game. C'est ça. Ouais, non. C'est juste que cette phrase, il y a un an, elle était tellement drôle. Pour moi. Oladipo Game. La Dipo Game, le famoso. El Famoso, bien sûr. Tancred. Oui, moi je vais pas dire autre chose que 4-1. Par contre, j'ai pas autant d'engouement que ça à regarder cette série. Je pense qu'on va avoir des matchs pas mal, mais qui vont vraiment pas donner l'impression qu'il y aura un autre résultat que Cleveland qui va prendre le dessus. Alors là, pareil, un peu comme Toronto, on va pouvoir un peu mesurer Cleveland parce qu'il y a l'inconnu de ce groupe largement remanié en milieu d'année, de voir comment il va se mettre dans les playoffs. Maintenant, bon, il y a le petit jeune là, le gars là, tu sais, qui a les chevilles de la taille de ton crâne là, le 23 là, le petit 23. Bon, il m'a l'air dans une bonne bourre. Je crois qu'il va plus ou moins leur marcher dessus sans trop de soucis. Je ne vois pas Indiana démérité pour autant, mais bon, on va mettre fin à la série des 4-0 au premier tour pour LeBron. Mais bon, ce sera juste pour en lâcher un. À mon avis, celle-là. Je souhaite avoir tort, mais à mon avis, il n'y a pas grand-chose à voir au niveau suspense du résultat final. Donc j'appuie sur le bouton 4-1. D'accord, il appuie sur un bouton qui n'existe pas. Et Emile, qu'est-ce que tu nous dis? Déjà, je suis bien content que les Cavs jouent Indiana. Parce que mine de rien, pour les Cavs, il y en a beaucoup qui pensent que, comment dire, avec ce nouvel effectif, ça peut être très compliqué les playoffs. Mais très clairement, je fais partie des gens qui ne regardent pas vraiment les résultats de saison régulière de Cleveland pour se baser sur les résultats des playoffs, quoi. Parce que là, si on voit la série contre Indiana gagne 3-1 en saison régulière, mais ça n'a aucune valeur. On peut regarder chaque année, c'est toujours la même chose. Quoi. Cleveland, en playoff, ça step up. LeBron, là, il est en 27-8-9. Et ben en playoff, il est passé en 35-10-10, hein, et puis c'est tout. Normal, donc, quoi. Non. Là, en plus, donc, il va évidemment rebooster tous ses coéquipiers, donc Kevin Love qui revient comme il peut, il va s'améliorer, je suppose. Et puis il y a surtout avec la trade deadline des joueurs d'expérience qui ont été ramenés. Je pense à George Hill notamment, qui a quand même de l'expérience et qui n'est pas un mauvais joueur. Il y a du banc qui a été ramené. Et le banc, c'est à peu près le seul argument qu'on peut accorder à Indiana, parce qu'ils ont quand même une seconde unit avec Sabonis, Joseph et Lance Stephenson. Mm-hmm. Donc c'est une très bonne seconde unit. Mais je pense pas que ça suffise pour battre les Cavs. Très clairement, je vais dire 4-1, parce qu'il y aura certainement un Oladipo game. Un Oladipo game où il y aura Bogdanovic à 20 points, enfin un truc voilà, sympa. Mais sinon, pas plus, quoi. LeBron va être évidemment, il va dominer. Et puis derrière, ses coéquipiers, ils vont être survolter. Parce que sinon, dans les vestiaires, ils vont se faire engueuler. Donc Cleveland, ça reste Cleveland en playoff. Au premier tour, je pense pas qu'il y aura de problème. Okay. Ouais, mais attendez, il y aura Lance Stephenson hein, quand même, déconnez pas, les gars. Ah, le souffleur. Le souffleur. Ouais, Cleveland, Indiana. Alors, j'ai écrit la preview tantôt pour Cue Basket. Donc, il faut savoir que, ok, 3-1 en saison régulière, mais c'était avant la trade deadline. Exactement, ça n'a aucune valeur. Tous les 4 matchs. Donc, ça et rien, c'est la même chose. Puisqu'il y a quand même la moitié de l'effectif qui a giclé. Alors. C'est vrai tu parlais du banc, il y a eu de l'expérience, mais il y a aussi de nouveaux, puisque tu as Clarkson et Nen Junior qui n'ont pas connu les playoffs, si je dis pas de conneries. Donc ils vont découvrir ça, donc à voir un petit peu, parce qu'ils vont avoir un rôle, mine de rien, assez prépondérant. Je pense que le Nen sera titulaire avec Kevin Love dans la raquette. J'avais gagné, je pense, plutôt, du coup. A priori. Peut-être, mais je le vois bien sortir du banc, Jeff Green aussi. Hein. Ça peut être intéressant, enfin. Après, c'est Tyronn Lue qui décide. Hein. Parce que en face, t'as Young et Turner. Il faut quand même que t'aies un peu de masse pour aller prendre des rebonds. Ouais, c'est je ça. Pense plutôt pour Nen Junior et faire rentrer Jeff Green justement pour aller péter la gueule à la seconde unité de Indiana, par exemple. Moi, ça m'irait bien, personnellement, mais bon, après. Ouais, ouais, c'est ouais. Ça. T'as ça qui va sortir du banc. Clarkson, normalement, c'est un peu le sixième homme avec Gérard. Donc, à voir aussi. Gérard, il est dans une très bonne passe pour le moment. Il shoot plutôt bien. Donc, s'il est dans une bonne dynamique, forcément, ben, ça aide toujours. George Hill, effectivement, qui va porter son expérience, qui commence un petit peu à trouver ses marques, à trouver ses drives pour les finir, se montrer plus agressif, moins hésiter pour prendre ses shoots. Donc, ça, c'est plutôt positif. Parce qu'en plus, il a pas un shoot dégueulasse, loin de là. Donc, on va mettre 4-1. Je pourrais mettre 4-0. Oui. Il y a l'avantage aussi d'avoir George Hill. C'est que, comme il l'a fait pour plusieurs matchs, tu peux l'utiliser en arrière avec, je sais pas, par exemple, Clarkson à la main ou des trucs comme ça, quoi. Donc, ça peut et puis être, même ça peut être Calderon ça. Pour diriger la seconde unit, par exemple, ouais, c'est Calderon, très bien c'est aussi. Pas... C'est... Ouais. Parce que Clarkson en meneur, comme il a fait pas mal de matchs, je trouve que c'est con, parce que c'est un croqueur de l'espace, donc il voit jamais la passe à faire. Mais par contre, tu le mettrais avec un petit Calderon à côté de lui, ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Ouais, enfin, il y a plusieurs options, puis, parce que l'effectif, il y a pas mal d'options. Oui, il y a beaucoup d'options. Et puis, il n'a pas de la Deepo Game. Non. Je sais pas s'il sera le Deepo Game, mais en fait, je me rappelle de la série de l'année passée. Enfin, pour vous dire à quel point LeBron, c'est... Voilà. Je crois que le premier match à Indiana, ils sont menés... 26 points pendant le genre. Ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai. Bench, Kyrie Irving et Kevin Love, tout le quatrième carton. C'est qu'on a oublié c'était LeBron. Dans le game, c'était une grande série, en fait. Et le mec revient. Alors, il y a eu très peu d'écart dans chaque match, très peu de points d'écart, mais c'était 4-0. Ouais. Ah, tu penses qu'il y aura plus d'écart ou moins d'écart? Il y aura plus d'écart là quand même. Je pense qu'il y a plus d'écart parce que c'est deux équipes d'attaque qui aiment bien jouer vite, qui aiment pas trop se prendre la tête en défense. Mm-hmm. Maintenant ça reste les playoffs donc t'es quand même plus attentif à ce que tu fais. Mais je suis pas spécialement plus d'écart. Un peu plus, mais pas une grosse différence. Je pense pas qu'il y aura des blowouts ou des trucs comme ça. Mais je vais quand même mettre 4-1. Je suis content de voir Larinons en play-off pour la première fois. Ouais, ça, c'est sympa. Ça peut être sympa. Enfin, là, pour le moment, il faudrait qu'il réapprenne à mettre des balles dans le cercle parce que c'est un peu chaud, là. Même pour les alley-oop, il se loupe complètement. Il arrête pas de taper l'arceau. Il rend fou. C'est pas faux. Mais voilà, il suffit d'une bonne première série pour te mettre dedans. Et après, le mec, ça peut devenir un factor X jusqu'en finale. Donc, au revoir. L'avantage, c'est ça, c'est qu'il y a un groupe qui est bien expérimenté, on va dire, sur le 5 de départ. Même venant bah, du banc, ouais, t'as quand même de l'expérience. Et après, tu gardes un peu de jeunesse et un peu de fougue, on va dire, pour de temps en temps faire un peu des trucs un peu plus exceptionnels. Pardon. Right, on passe aux Sixers contre le Heat. Et on va commencer par Tancred. Oula, tu me prends de court là. Les Sixers sont play-off, les mecs. Ouais. Les Sixers sont play-off. Je les ai mis 8e. Génial. Et 3e. Excusez du peu. Foutu back-to-back. Là, c'est trop bien. Je suis hyper en mode hype. Fanboy. Ouais, gros fanboy. Là, je vais mettre un petit. Alors, je suis au bord du 4-3. Maintenant, je vais mettre. Je vais mettre 4-2 pour les Sixers. Miami, c'est pas des bras cassés. C'est un groupe qui est bon, qui a quand même un peu plus d'expérience, qui a quand même des gars comme Hassan Whiteside et Monsieur Dragic, qui vraiment m'a fait rêver pendant l'Euro dernier. Là, c'était vraiment génial à regarder. Je vais dire 4-3. Je dois faire un choix. On est bien d'accord que les Sixers vont récupérer Embiid, à moins que je me trompe. Au deuxième match, normalement, pas près. Normalement, c'est prévu pour le deuxième match. C'est ça. Donc, c'est un groupe qui a montré qu'il pouvait continuer à gagner les matchs même sans Joel Embiid. Maintenant, quand il va revenir, mais c'est un groupe qui a. Voilà, il est tout jeune, pas 100% d'expérience. Maintenant, il y a tellement de talent dans cette équipe. C'est juste un vrai bonheur de se dire qu'on va pouvoir les voir en play-off. Ça va être dur. Allez, on se dit, ils ont de quoi passer. Une équipe du Heat qui sera coriace, qui sera pas facile à éliminer aussi rapidement. Pas facile. Voilà, ce sera pas facile. Et voilà, je vote 4-3, sachant que on n'est pas à l'abri. Je vote, c'est ma coutume. J'appuie sur mon bouton. J'ai des boutons imaginaires et je vous emmerde. Voilà. Et puis n'oublions pas, évidemment, Dwayne Wade qui sera là et qui ne va pas, qui va mener le Heat et qui va le rendre encore plus difficile à passer. Donc, je vote la fougue, je vote la jeunesse, je vote la hype et je vote les Sixers, mais le Heat, ça va pas être facile. Ok. Émile. C'est pour moi l'affiche la plus palpitante à l'Est, très clairement. Parce que, comme a dit Tancred, c'est assez indécis finalement. Et pour plusieurs raisons. Déjà, on n'a pas parlé, mais il y a les coachs. C'est ça va être un très bel affrontement coaching. C'est deux très belles défenses aussi. Deux des meilleures défenses de la Ligue. Donc, ça va peut-être pas forcément scorer, mais ça va être assez, assez intense. Et un autre truc qui, pour moi, est très important aussi, c'est l'affrontement donc, à l'intérieur. Parce qu'il y a quand même Whiteside en face. Whiteside, il peut faire des 20-20 quand il est en forme. Voilà. Et pour moi, l'enjeu de Miami, donc Embiid ne va pas être là au premier match. Il faut vraiment que Miami, donc surtout Whiteside, profite de l'espace qu'il y a dans la raquette. Bon, il y a quand même des gens, mais il n'y aura pas Embiid, donc il faut en profiter. Pour prendre ce Game 1, c'est vraiment quelque chose d'important, je pense. Puisque derrière, tu mets Philadelphie dans une mauvaise passe, dans une mauvaise posture. Voilà. S'ils ne le font pas, ça va se compliquer, parce que le momentum sera pour Philadelphie, et Embiid reviendra. Et Embiid, autant dire que le process, c'est lui, et le process en playoff, ça peut être une très très sale. Donc pour moi, ça va être une série serrée. L'enjeu, enfin vraiment, c'est très compliqué de pronostiquer, je dirais 4-3 Sixers, mais vraiment, à regarder le Game 1 sans Embiid, si Embiid est là, bon, ça change tout, mais sans Embiid, le Game 1 peut être vraiment changé de la série, je pense. Ok. Flo? Pour moi, donc pareil, exactement pareil aussi, à l'Est, je pense que c'est vraiment le match-up qui va être le intéressant à regarder, Philly, Miami. Parce que déjà, Philly en playoff, voilà, tout est dit. Je pense aussi partir sur un 4-3. Non, même sur un 4-2, je pense. Ce qui va jouer énormément, ça va être la confiance. Comme tu l'as dit, Emile, le premier match va être très important à prendre du côté de Hassan Whiteside. Je pense qu'il va le prendre. Mais derrière, je vois bien Philadelphie se réveiller. Même s'ils ont manque d'expérience, ils peuvent vraiment surprendre. Mais vraiment, je pense que ça va jouer ensemble, ça va pas faire beaucoup d'erreurs du côté de Philadelphie. Il n'y aura pas Embiid et Hassan Whiteside va faire un massacre dans la raquette. Les autres, je pense que Philadelphie sera en charge de mener les autres games. Un 4-2 pour Philadelphie contre Miami. Ouais. Ok. Alors, qu'est-ce qui est important de cette série? Emile l'a très bien dit, le premier game, c'est un must win absolu pour Miami. Ça, c'est sûr et certain. Profitez au max de l'absence d'Embiid pour choper du match. La deuxième chose, c'est le comportement de Whiteside et sa mentalité. Parce que il peut être tellement bon et tellement casse-bonbon en même temps quand tu vois qu'il a pas envie. Oh, il rend fou. En plus, il a eu des déclarations. Fin de Dit saison son en coach. attaque directe avec le coach, il s'est pris une amende. Enfin, Whiteside, s'il arrive à la boucler et à se dire ok, je joue en équipe et je donne tout ce que j'ai, ça peut vraiment être très chiant parce que Embiid va être obligé de shooter de loin. Il a du shoot, c'est pas le problème, mais ça reste pas sa qualité première. Après, c'est un intérieur très technique, donc il peut passer un Whiteside, mais ça reste quand même un gros épouvantail devant l'arceau. Côté Philly, je ne sais pas qui va défendre Ben Simmons, parce que ça m'étonnerait que ce soit Dragic, vu la différence de taille, mais ça va être un vrai problème pour la défense du 8. Bah après Après, Simon, ça part énorme shoot, donc ça c'est un ouais, avantage c'est aussi. ça. Je pense que Spoelstra, il est malin, il va essayer de faire en sorte d'avoir un mec qui est assez grand et assez rapide sur lui en défense, et il va mettre Dragic sur quelqu'un d'autre. Les shooters de Philly, surtout ceux qui viennent du banc, il faudra qu'ils soient au point, forcément. On pense aux vétérans, Bellinelli, pardon. Il y a Redick dans le 5 aussi, il faudrait qu'il soit chaud. Covington. Covington, etc. Enfin bref, les artificiers, il faudra qu'ils soient bien réveillés. Après, là où Miami a la plus grande chance, c'est sur la gestion des fins de match. Parce que j'ai vu quelques fins de match des Sixers qui étaient un peu serrées, et ça tournait au n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Notamment un match contre Miami, je pense. Et donc du coup, dans ce cas-là, moi, les gens qui me parlent de bataille de coach, je vois pas vraiment où elle est, parce que Spoelstra est vraiment au-dessus de Brett Brown. Brett Brown, il a la chance aussi d'avoir des super joueurs avec lui. Surtout défensivement qui travaille bien Brett Brown. Ouais, Après, mais Spoelstra en attaque qui fait vraiment la Spoelstra différence. en attaque sur les systèmes et tout, en Là, sortie de temps c'est mort, c'est voilà, c'est le incroyable. carnage. Donc, si Miami arrive à rester au contact avec Philly jusqu'au fin de match, ça peut choquer les fins de match du côté de Philly. C'est une possibilité. Déjà parce que Et l'équipe il est y a jeune. le leadership de Wade aussi Oui, bien dans le sûr, c'est ça. Il y vestiaire. a Wade aussi en playoff. Rappelez-vous comment la série contre Toronto, contre Charlotte, il y a 2 ans, je crois. Le mec, c'était comme il avait 20 ans. Donc, je sais qu'il va se surpasser sur les playoffs, ça c'est obligé. Surtout qu'il revient au 8 en plus. Donc, il va revivre Ah ouais. des soirées de playoffs avec son club de cœur. Donc, voilà, je pense que D. Wade, ça va s'envoyer du bois. Donc, Et qu'il prend un peu ça le va rôle de être. waiter, ce qui est pas là, donc il peut prendre plus de responsabilités en fin de Ouais, c'est match. clair. C'est clair. Et ils ont un collectif aussi, une bonne défense qui étouffe bien. Si Philly arrive pas avec des super bons systèmes et un collectif qui tourne, franchement, faire les Hero Ball contre eux, même Ben Simmons avec sa taille, Non. ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Donc c'est vrai que c'est une match-up très intéressante. Et puis aussi, ce qui sera important pour Miami, c'est de casser la série de victoires de Philly. Parce que là, ils sont sur 16 d'affilée, je pense. Si tu prends le 16, ouais. premier match aussi chez eux, tu stops ça. Et donc tu obliges les mecs à repartir à zéro et de se dire, bon ben ok, on vient de se manger un taquet, là on sent que c'est les playoffs, ça joue à un autre niveau, il faut qu'on augmente notre niveau de jeu au-dessus. Donc Pour le score, l'upset ne me dérange pas plus que ça. Hein. Moi non plus, ouais, Mais c'est ce que vraiment j'allais dire. l'expérience. En fait, voilà, C'est le c'est game un one qui vraiment process. va conditionner tout un petit peu, je trouve, Ouais, vraiment. quelque part, ouais. C'est un process et peut-être que le process, c'est juste de prendre l'expérience, de prendre ces matchs-là en playoff contre une équipe bah, qui a l'expérience, qui a un gros collectif, qui a un gros coaching. C'est toujours bon à prendre comme Vous s'ils perdent au m'embêtez, vous final. m'embêtez, mais. Je mettrais bien 4-3, ça c'est sûr. Allez, 4-3. 4-3 Miami. Allez, je m'en fous, tant pis. Toi, mais. Oula, ouais. Non, c'est pas Ça impossible du tout. dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de Whiteside, je l'ai dit, enfin, tout ce que j'ai évoqué. Il faut que tout roule. Maintenant, je me dis que c'est les PO. Normalement, Whiteside, s'il a Ouais. deux neurones, il y a moyen que ça tourne. Et c'est une match-up, c'est la match-up de l'Est la pire pour lui, enfin pour Embiid, au final. Il n'y a que lui Clair. qui physiquement peut tenir un petit peu le gars, au moins au niveau de l'arceau. Après. Alors, pour apporter un peu de contradiction, moi je dirais que un upset, ça ne me surprendrait pas du tout. Par contre, un 4-3 Miami, d'expérience, je voterais pas pour un Game 7 gagné à l'extérieur en premier tour. Ça, c'est quand même très. C'est possible, hein, il n'y a rien d'impossible. Mais c'est intéressant, du coup, ton pari, là, pour le coup, Ouais, je c'est te assez dis, intéressant. c'est basé sur des matchs que j'ai vus en saison régulière de Philly où les fins de match étaient serrées et ça shootait n'importe comment, ça paniquait complet. Alors peut-être que Bellinelli, Redick, qui a un peu plus d'expérience, apporteront des Matt Connell. solutions à ce niveau-là. Mais Ouais. je les ai vus, ouais, vraiment planter des fins de match avec de l'inexpérience, rien de plus, vraiment de l'inexpérience. Et encore, Après, je crois, et Miami. encore, il n'y a pas très longtemps, juste avant la série de Win, il me semble qu'un des derniers matchs que j'avais regardé, c'était une fin de match un peu serrée, et il la viande complet, quoi. Et je me demande si c'est pas contre Miami. Enfin bref, je mets 4-3 Miami, et c'est tant pis. Soyons fous. Soyons fous. Boston contre Milwaukee. On va commencer avec Emile. Moi, très clairement, donc, je vois un upset des Bucks. Alors je vois, je pense qu'en fait, Milwaukee, ils n'ont pas été bêtes, ils ont compris qu'ils avaient tout intérêt à perdre hier contre Philadelphie pour tomber contre les Celtics. Et finalement, bah, c'est la meilleure série pour eux, je pense, parce que jouer Toronto était un peu comme l'année dernière, possible, mais très compliqué. Jouer les Cavs, bon, on n'en parle pas. Et puis jouer Philly. Pas facile du tout, comme pour le Heat. Alors que là, jouer Boston, qui est totalement décimé, bah, au final, je pense que c'est une bonne chose, puisque Boston, là, l'objectif, bah, évidemment, ça défend très dur, il y a Alofort, tout ça qui reste là quand même. L'objectif, c'est de faire jouer Terry Rozier, Smart, Tatum, pas Smart, pardon, Brown et Tatum, pour qu'ils prennent de l'expérience, pour que l'année prochaine, quand Hayward et Irving reviennent, ça puisse y aller en playoff. Donc, eux visent d'emmagasiner de l'expérience, si possible, d'aller le plus loin possible. Tandis que les Bucks, eux, ils veulent clairement gagner, quoi. Et le problème, même si Baron, tout ça, ils peuvent défendre, pardon. La question, c'est comment ils vont défendre Giannis, en fait. Qui va défendre Giannis? Jaylen Brown? Ça valable pour Bah, toute la ligue, hein, au cas où. non, mais voilà, c'est clair. Donc même Boston va être dans le mal. Et puis derrière, même s'ils arrivent, s'ils monopolisent, par exemple, je sais pas, Brown. Derrière, ça pose des problèmes pour Middleton, pour Bledsoe, qui, mine de rien, ben, sur un ou deux matchs, peuvent coller 30 points, peuvent coller 20 points, enfin, ils peuvent sortir de leur boîte, ça m'étonnerait pas. Sachant qu'en plus, le seul point faible, entre guillemets, des Bucks, je parle pas de leur défense, c'est le secteur intérieur qui est vraiment faible. Et pour le coup, ben, le pivot titulaire de Boston, c'est Aaron Baynes, quoi. Donc, c'est pas ça qui va les aider, même si hier, il a dû faire un 26-14, je crois. Ouais, il a fait un Bon, gros match. très très anecdotique. C'était magique en face aussi, hein. En fait, je trouve que Boston n'appuie pas assez sur les points faibles de Milwaukee. Et à l'inverse, Milwaukee, qui vont jouer à fond, à fond, à fond, appuie sur les points faibles de Boston. Et c'est pour ça que je pense qu'ils vont gagner. Et je vois même un 4-2. Je vois pas de Game 7. Parce qu'un Game 7, il l'aurait perdu au Madison Square Garden, je pense. Donc 4-2 pour les Bucks. TD Flo? Garden, pardon, excuse-moi. Pas de souci. Eh bien, moi aussi, je vois bien l'upset hein, de Milwaukee. Le souci majeur, c'est que chez Boston, les gros joueurs sont pas là. Un pied dans la tombe, en tout cas niveau psychologique, je pense que ça va quand même bien jouer, énormément jouer. Le décès pour Tatum, aussi un peu aussi. L'objectif, il n'est pas de gagner. Gagner, il est de faire. Donc, ça va se battre pas tant que ça. Et je pense que Milwaukee. Tu commences à bugger pas mal là, sur ta connexion. Du coup, je dis ouais, bah, je pense que Boston, ça va se battre, mais pas tant que ça. Ça va s'en débarrasser assez facilement. Milwaukee 4-2. Giannis va faire le taf. C'est vraiment le manque des superstars qui va faire mal à Boston. Psychologiquement, je pense qu'ils sont déjà prêts à accepter la défaite. Il manque plus qu'à asséner le dernier coup. Mmh. Et je pense. Tu penses que ça a coupé? On t'entend plus. Je pense que Boston va se prendre ce dernier coup de Giannis en pleine face. Par contre, si Giannis n'est pas au rendez-vous, la série n'est pas la même. C'est vrai. Clairement. Tancred. Là, mes boutons imaginaires s'affolent un peu. Je vais dire, allez, on va apporter un peu de la contradiction. Boston, bon là, ils se sont pris un genre de signe indien sur la tronche. Ça en est devenu désespérant. J'en parlais sur Twitter de temps en temps, le fameux signe indien des saisons 2012-2015, là où tu avais un blessé pour toute la saison, toutes les semaines, là, c'était un truc de fou. Ouais. Smart est censé revenir, non? De quoi? Smart, sa saison est finie ou pas? Je vais vérifier. Faut vérifier, mais après, en fait, ce que je vois, c'est que Boston, malgré tout ça, bon an, mal an, ben, ils ont quand même réussi à assurer la fin de saison, gagner des matchs, pour finir de manière catastrophique. Alors, c'est sûr que Boston n'ira pas loin dans ses playoffs. Maintenant, je me dis que, tout comme les Spurs, même avec beaucoup d'absents, ils sont capables, avec un collectif fort, là, qui, clairement, c'est vraiment ce qui a été génial de regarder chez Boston cette année, c'est la force de leur collectif, l'unité qu'il y a dans le groupe. Je pense que, et parce que vous avez aussi voté que les Bucks passeraient, bien moi je vais proposer un avis où les Celtics passeraient, avec effectivement un Giannis qui serait au rendez-vous, mais pas forcément tout le temps, un groupe qui est un peu moins soudé que les Celtics. Et dans ce cas-là, je voterais plus pour un 4-2. Allez, j'ai trouvé mon bouton imaginaire, je vais dire 4-2 pour les Celtics, mais clairement, ça n'ira pas plus loin pour Boston après. Marcus Smart, s'il revient, il pourrait revenir pour un Game 7 éventuel. D'accord. Ce qui changerait beaucoup de choses. Voilà. Boston a certes perdu Kyrie Irving et Gordon Hayward. Gordon Hayward très tôt. Même après la blessure de Kyrie Irving, Boston a continué à gagner. Et des matchs compliqués en plus. Ça, faut pas l'oublier non plus. Milwaukee, derrière, je trouve que ça manque d'un leader en fait. Je sais que Giannis l'est en niveau stat, mais en playoff, il faut aussi un mec dans le vestiaire qui est leader. Tu vois, un vrai franchise qui dit à tout le monde, bon voilà comment on va faire ça, ça, ça et ça, et ça va bien se passer. J'ai pas l'impression qu'il y ait ça à Milwaukee, et c'est le genre de truc qui peut leur faire défaut en playoff, comme ça leur a fait défaut en playoff l'année passée finalement. Quand tu regardes la physionomie contre Toronto, c'est ce qui leur manque. C'est d'avoir un bonhomme qui embarque tout le monde, autrement que par les stats. Sur la match-up des coachs, bon, voilà. Je vais quand même mettre Milwaukee au talent, mais Boston qui arrive avec le couteau entre les dents, avec rien à perdre surtout. Donc, ça qui est bien pour eux, c'est qu'ils n'ont aucun calcul à faire. Ils peuvent y aller à fond, justement pour que les rookies prennent de l'expérience ou les sophomores prennent de l'expérience. Donc, effectivement, il faudra voir ce que Jaylen Brown et Jason Tatum sont capables de produire réellement en playoff. Ça, c'est une chose. Alors Ford, il va falloir qu'il score, il n'y a rien à faire, et il faudra qu'il s'impose un petit peu dans la raquette, parce qu'il n'a pas une opposition dingue, mais elle sera quand même là. Je vais mettre un 4-3 Milwaukee. 4-3, donc même contre Marcus Smart, moi je prends un Mars. Et deux Game 7 gagnés à l'extérieur au premier tour. Ouais. Ah, tu nous promets de beaux playoffs, toi. Mais le truc, ça va être bon, ça. C'est que sur les deux où je l'ai misé, c'est des match-up très particuliers pour plein de raisons. C'est vrai, c'est vrai. Il y a beaucoup d'inconnus, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer ou pas se passer. Je pense que Giannis va... Il était quelquefois blessé pendant la saison, donc j'espère que ça ira pour lui et qu'il va pas se péter définitivement dans la série. Mais Autre s'il est, truc. s'il est là, si Bledsoe est là, si Middleton est là, si Parker est là, forcément, sur papier, tu mets 4-1, 4-0, un truc du genre. Maintenant, Boston, encore une fois, gros collectif, ça a gagné des matchs. Je vais mettre 4-3 Milwaukee. Autre chose qu'on n'a pas dit, c'est que avec le retour de tous les blessés à Milwaukee, il n'y a quasiment plus personne qui est blessé. Peut-être Thon Maker, je crois, mais voilà. La seconde unit, ça va être Brogdon, Dellavedova. C'est ça. Ils peuvent mettre du Giannis, du Snell, du Parker. Alors Après, qu'en face, on va avoir Shane Larkin, Nader, Ojeleye, Yabusele. Non, enfin, ça peut être une Dellavedova, il ne seconde sert pas unit. vraiment sur cette série parce que c'est un pitbull que tu mets sur Après, il un va pas meneur scorer, adverse. ouais. Là, pour le coup, il va pas être hyper utile. Mais je vais dire que même la seconde unit, elle surclasse la seconde unit de Boston. Et que finalement, si on prend point par point, il n'y a pas C'est vraiment ça. de point négatif pour Eh, Milwaukee, quoi. ne sous-estime pas Shane Larkin, s'il te plaît. Hein. Un mec qui est Non, mais. passé par les Knicks et dont personne ne se souvient, Ah, il je crois que ça repart de mérite ses d'être Knicks. mentionné. Allez, papy, chut. Arrête avec tes Knicks. Tout le monde s'en fout des Knicks. De mon temps, en Non, 1970, on était champion. mais tu vois, c'est ce que tu dis, c'est vrai. Ça peut être 4-0 pour les Bucks. Et d'autre côté, ils ont été très inconstants aussi, un peu comme Washington cette année, au final. C'est exactement ça le On les piège, voyait c'est plus que. haut. Donc, ce que sur un gros collectif avec un bon coach en face, ouais, petit 4-3. 4-3, c'est faisable. C'est le piège, c'est que si eux se disent point par point, on est meilleur, faut juste qu'on joue notre jeu sans se prendre la tête, et c'est là qu'ils peuvent se faire avoir parce que derrière, t'as un gros coach qui peut dire à sa jeune, allez, carte blanche, vous défendez, mais en attaque, c'est. Vous pouvez faire ce que. Enfin, pas vous faire ce que vous voulez, mais vous pouvez y aller et vous donner à fond, et ils peuvent se faire piéger très largement. Donc, faut y Puis aller. t'as. Jouer son jeu, mais rester sérieux, quoi. Vois, il y a aussi, pour le coup, l'avantage du terrain. C'est vrai que je donne 4-3 à l'extérieur, mais deux matchs au TD qui sont gagnés par Boston, c'est tout à fait faisable. À Milwaukee, c'est pas vraiment une forteresse reconnue, donc tu peux En manque envisager Boston qui va de. gagner un match là-bas sans problème, par exemple. Mais au final, au talent, au physique, etc., je pense que Milwaukee passe devant. Alright, on va changer de conférence un petit peu. Houston Rockets, Minnesota Timberwolves, les derniers qualifiés hier soir. On en profite pour saluer Jérémy et ses Denver qui sont partis à Cancun. Clairement. Alors Émile, dis-moi un peu ton avis sur cette match-up. Pour moi, ça va être une des séries, c'est une série assez intéressante, mais qui va pas être très très serrée. Je dirais que je vois un 4-1 Rockets, mais il y a plusieurs aspects qui sont intéressants. Déjà, il y a pour les Wolves, c'est un peu comme pour les Celtics, c'est une équipe jeune qui retrouve les playoffs 14 ans après sa dernière qualification. Qui doit prendre de l'expérience. À part Butler, hein, il n'y a quasiment que de la jeunesse, donc Towns, Wiggins, tout ça. C'est bon à prendre pour eux, ces playoffs, pour revenir peut-être plus fort l'année prochaine. Et le point pour lequel les Rockets, en principe, doivent les écraser, c'est déjà, cette année, c'est la meilleure équipe, très clairement. Bon, c'est de la régulière, mais voilà. Ils ont déclaré qu'ils visent rien d'autre que le titre. Donc pour eux, le premier tour, il n'y aura pas de. Il n'y aura pas de quartier, c'est pas parce que c'est une petite équipe qui va en faire je peux pas jouer. Ça va y aller à fond. Et dernière chose, étant donné qu'ils ont validé la première place depuis un bon moment, ils ont pu faire reposer le tandem, enfin le trio, même les cadres, dont le trio Capella, Paul, Harden, qui a des très bonnes stats. Alors que pendant ce temps-là, les Wolves, au dernier soir, sont allés jouer encore 40 minutes par titulaire pour s'arracher contre Denver. Donc, il y a la fraîcheur qui rentre en ligne de compte pour les Rockets. Déjà, qu'ils les ont battus, c'est-à-dire en régulier, il y a eu 4-0. Déjà, qu'ils les ont battus 4-0 sans être frais, l'un étant frais, ça va être un potentiel carnage. Donc, je mets 4-1, puisque je pense quand même que Butler peut mener son équipe. Et c'est pas non plus une excellente défense, les Rockets. Aller sur un match, Butler et Towns, pourquoi pas Wiggins, peuvent faire quelque chose. Mais sinon, c'est Rockets, quoi. Tranquille. Ok, Flo. Ben moi, sur Rocket Minnesota, d'accord avec Emile. C'est dommage pour Minnesota, hein. Ils ont dû se battre jusqu'au dernier soir pour avoir leur place. C'est cruel. C'est cruel, mais c'est pour tomber contre les Rockets. Et je sais pas si on a vraiment envie de tomber contre les Rockets. 4-1 également, je pense, pour les Rockets. D'avoir un match à Minnesota où ils vont vraiment l'arracher avec notamment le public qui va les pousser à bout, donc Minnesota. Mais derrière, il va y avoir Chris Paul, il va y avoir Capella, il va y avoir beaucoup de monde. Gérer l'édifice, je pense que ça va être très compliqué pour Minnesota de tenir. Un 4-1. 4-1. Ok, Tancred. Bah là, j'ai pas effectivement, j'ai pas grand chose à ajouter de plus à ce que vous avez dit. Je suis tout à fait d'accord. On est dans le 4-1 et on serait au bord d'un 4-0, mais effectivement, je pense que bon, c'est peut-être pas objectif, mais Minnesota mérite quand même pour les progrès, pour le qu'ils ont fait, pour cette équipe qui est jeune, qui est dynamique, qui me donne un peu qui s'ils avaient été au complet, ils m'auraient donné le même ressenti que les Sixers. Mais c'est au niveau de du comment dire de l'envie de les revoir jouer en playoff. Bon, après là pareil, hein, les blessures sont passées par là, donc à voir pour les années prochaines. Donc maintenant Minnesota s'est engrangé de l'expérience, s'est retrouvé les sensations des playoffs. C'est vrai que ça fera plaisir aux fans, je pense, de revoir les Wolves là. Maintenant en face, c'est Houston, c'est une équipe qui est mûre. C'est une équipe qui est prête pour le titre. C'est une équipe qui est prête à défendre ses arguments. Et eux, effectivement, Minnesota, ils ne sont pas là pour s'attarder dessus. Ils vont utiliser tout leur potentiel. Ils vont jouer leur jeu. Et ils ont le MVP dans leur équipe, James Harden. Et ça, ça va faire la différence. Même si, bon, personnellement, j'aurais voté Westbrook. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Oula. Parce qu'on est deux à avoir, on est deux à avoir voté LeBron. Harden n'est pas en majorité ici. Non, Harden ne le vole pas. Harden ne le vole absolument pas. C'est juste le triple-double, c'est quand même assez énorme. Mais Harden sera le MVP et c'est lui qui va mener cette équipe. Et comme le point central de mon commentaire, c'est que Houston, ils sont mûrs. Là, ils sont prêts, ils sont là et ils veulent aller au bout. Et il y a quand même moyen qu'ils aillent jusqu'au bout. Ok, et combien t'as mis pour le score? Là, j'ai mis 4-1, j'ai mis comme vous. Eh bien, je vais vous suivre aussi avec un bon vieux 4-1. Je pense qu'il y a bien un match où ça va rentrer un petit peu moins bien pour Houston au niveau des tirs, donc c'est pas tellement que Minnesota va prendre un match. C'est surtout Houston qui va en paumer un, parce que on a beau dire tout ce qu'on veut, ils sont quand même fort dépendants du tir extérieur malgré tout, même s'il y a d'autres possibilités, d'autres armes. Il n'est pas impossible non plus que Thibodeau tente un petit ajustement qui passe sur Harden pendant un match. Voilà. Mais au talent, à tout ce que tu veux, je pense que ouais, Houston, ça va casser du loup. Et un petit 4-1 me semble pas trop mal. Il n'y a pas tellement à dire sur cette série, en fait. Hein. Juste, j'ai quand même envie de voir ce que Anthony Towns vraiment en playoff. Ouais. Capella, ça peut vraiment être une match très intéressante. Parce que Capella, cette année, il s'est affirmé comme un pivot de premier choix quand même dans la ligue, mine de rien. Mmh. Et Towns, je pense que ça peut être vraiment une match très intéressante. Je pense que ça va être l'ultime test pour Andrew Wiggins également. Oui, De toute façon, lui, il s'en fout. Ça va être vraiment... T'as intérêt à gérer tes playoffs, gamin. T'as intérêt à montrer que tu veux, parce que sinon, t'es sur la scène, Coco. J'ai clair pour lui, je pense. Et juste, on sous-estime beaucoup la défense de Houston, qui s'est quand même pas mal améliorée cette année. Donc c'est aussi pour ça qu'ils vont sans doute leur rouler dessus. Et un dernier point en faveur de Minnesota. Au dernier match là contre Denver, on a vu Taj Gibson qui franchement a défendu comme un chien, comme un mort de faim sur Jokic. Donc ça peut pourquoi pas être un point intéressant pour les Wolves dans cette série. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On va passer sur OKC contre Utah Jazz. On va demander à Tancred son avis. Oh putain. Désolé. Si tu veux. Ah. Bah, cette série, elle va être cool quand même. Elle va être vraiment cool. Là, un prono, c'est vachement dur. Déjà, je vais rester sur mes impressions. Ces playoffs sont cool parce qu'il y a vraiment des équipes qu'on a envie de voir en playoffs, et il y a des joueurs qu'on a envie de voir en playoffs. Je suis content de revoir Melo en playoffs quand même. C'est un mec qui a rien à foutre en vacances au mois d'avril. Je suis content de voir Gobert, Rudy Gobert en playoffs. Il n'est pas blessé, rassurez-moi. Non, non, tout va bien. Non. C'est le truc, c'est qu'en fait Utah, ils étaient troisième avant-hier, et là, enfin tout le rapport s'est inversé. Pff, bon, allez, je mets OKC parce que Russell Westbrook est énorme, parce que Melo peut sortir des grands matchs, et parce que Paul George est Paul George, et que l'équipe de OKC a quand même de sacrés arguments. Enfin, c'est une équipe du Jazz qui a encore un petit peu de jeunesse en elle, qui a encore des choses à apprendre, et qui a peut-être pas cet équivalent en termes de superstar, mais ça viendra. Hein. Franchement, ça va venir très vite pour le Jazz. Alors le score, ouais, je vais mettre 4-2, même si j'aimerais OKC. mettre plus au Jazz. 4-2 pour OKC, hein, même si j'aimerais mettre beaucoup plus pour le Jazz, mais je vais mettre 4-2 pour OKC parce qu'il faut faire un choix. Mais alors là, c'est hyper chaud quand même. 4-2. Allez, c'est validé. Flo? On a Je reperdu vois un Flo? match 7 pour cette série. Ah, carrément. Ça peut te choquer du côté d'OKC. Il peut vraiment y avoir des matchs où il n'y a pas de cohésion entre les joueurs. Tout ou rien. Vraiment, cette série, ça va être la série où on peut très bien se tromper. Un match 7. Moi, j'aimerais voir Utah sortir de ce match-up. Mais j'aimerais voir Utah vraiment sortir. Non pas parce que je déteste Russell Westbrook, mais en fait, si, parce que je déteste Russell Westbrook, mais c'est un autre débat. Je pense que Utah peut faire le taf en 7 matchs, mais après, on extrapole, rouler dessus. Ça peut se battre pendant On cette t'opère série petit à et petit avec forcer ta le match connexion. 7. Je pense que ça peut forcer le match 7, et même si après ils vont se faire rouler dessus, malheureusement. Ok. Qui l'emporte, t'as dit? J'ai pas Il entendu. met 4-3 Utah, c'est ça? 4-3 Utah, ouais. Ok. Ben, je pensais être une surprise, mais du coup, non, je vais te suivre. Hein. 4-3 Utah pour moi aussi. Allez! Et ouais. Donc, il y a le Sixers Heat qui était pour moi très séduisant à l'Est. Mais la plus belle affiche, enfin, la plus belle série du premier tour, c'est ce match-là, c'est Thunder Jazz. Parce qu'on a quand même des monstres. Hein. Il y a Westbrook, évidemment, quand qui dit Westbrook dit spectacle. Il y a Mitchell qui, à voir jouer, c'est quand même un plaisir parce qu'il a une palette Ah offensive dingue. Et puis en fait, quand on compare les deux équipes, finalement, les saisons régulières sont assez différentes, même si le bilan est assez similaire. Oklahoma, déjà, on les attendait beaucoup plus haut. Par exemple, moi, à la base, je les avais mis deuxième de l'Ouest en tout début de saison. Parce que quand on voit Westbrook l'année dernière, tout seul qu'il avait réussi à faire, on s'attendait à ce qu'avec Paul George et le Carmelo Anthony, ils fassent quelque chose de fort. Bon, au final, ça n'a pas pris. Paul George a été bon quand même. Il n'a pas fait une si mauvaise saison. Mais depuis l'All-Star Game, ben, il n'est plus là, quoi. Vraiment, il est là quand, je sais pas, par intermittence, quoi. Carmelo, ça, il n'est pas vraiment là non plus, je trouve. Il y a des fois des matchs où il peut te faire une bonne perf, mais pour moi, c'est pas le joueur qui peut vraiment te changer une série de playoffs. Il peut peut-être influer sur un match, mais pas plus. Alors qu'en face, le Jazz, c'est assez compliqué puisque personne n'attendait cette équipe, surtout offensivement, avec la perte de Gordon Hayward. Au final, Quinn Snyder qui est pour moi le coach de l'année, c'est un débat. Il a responsabilisé Donovan Mitchell, qui est devenu le leader offensif. Le mec, plus de 20 points par match, à peu près 20 points par match. Il a une palette offensive excellente, de la détente, du tir à 3 points, de la pénétration, tout ce qu'il faut. Avec, en plus, dans la carquette, un certain Rudy Gobert qui fait le ménage. Bon, pour le coup, ce ne sera pas hyper facile face à Steven Adams, mais pour moi, il est quand même largement supérieur. Et puis, le gros point fort de Utah, c'est la défense, évidemment. Depuis que Gobert est revenu, c'est tout simplement la meilleure défense de la Ligue. Un pouvoir de dissuasion assez énorme. Donc, ça enlève déjà la pénétration, ça devient compliqué. Parce que quand tu veux pénétrer dans la raquette, tu as Rudy Gobert en face, c'est un peu relou. Donc, il va falloir se remettre beaucoup plus sur le tir à 3 points. Donc, un peu plus de chance, évidemment. Et, mine de rien, avec tous les défenseurs qu'ont Utah, c'est quand même chiant, quoi. T'as quand même du Crowder, il défend assez correctement. Ingles, Sefolosha, je crois qu'il est blessé pour l'instant, mais il pourrait revenir. Ouais, non, saison finie pour Sefolosha. Saison finie, ok. Ouais, autant pour moi. T'as pas mal de roleplayers que n'ont pas, je trouve, le Thunder. Donc, le Thunder, t'as un 5. T'as un très bon 5, un des meilleurs 5 de la Ligue, quand même. Mais derrière, t'as Felton, Brewer, Westis, Pat, et je sais même pas qui c'est leur pivot remplaçant. Collison, allez. Donc, alors que de l'autre côté, t'as Royce O'Neal, t'as Derek Rivers, t'as Crowder, t'as Jerebko, t'as des mecs qui peuvent scorer. Ils savent bien se passer la balle en attaque. C'est ça le truc, en fait, que je trouve assez intéressant avec Utah. C'est qu'en défense, c'est la meilleure équipe. Et en attaque, ils arrivent à se repasser la balle. J'ai regardé l'autre jour contre les Lakers. C'est assez impressionnant. Ils trouvent assez régulièrement une solution. Il y a même des actions qui finissent par des dunks de Joe Ingles. Pour dire comment c'est assez fou. Donc, non, pour moi, c'est 4-3 à Utah. Et même, pourquoi pas, 4-2. Enfin, de toute façon, c'est Utah qui passe pour moi. Voilà. D'accord. Eh bien, moi, je vais mettre 4-1 au Kessie. Ouais. Je trouvais qu'on était quand même assez dur avec OKC. Voilà. Les gars, à un moment, c'est Westbrook, c'est Paul George, voilà. C'est Carmelo Anthony en face. Ouais, ça, c'est ce qu'on s'est dit en début d'année et au final. Oui, d'accord, ok. Ça va très bien, mais là, on est en PO. Voilà, là, on est en PO. Je trouve que OKC s'est quand même amélioré au fil de l'année, malgré tout. C'est vrai que les débuts ont été très compliqués. Après, ça commence à revenir. Puis Paul George a perdu son tir, puis il l'a retrouvé. Enfin, et André Robertson, blessé, ça a joué beaucoup aussi. Ça a joué beaucoup. Maintenant, il y a Corey Brewer qui sera là aussi pour faire chier les gars du tas. Même s'il est un peu blessé, je crois. Il va subir des genres d'infiltration pendant la série. Je pense que pour Rudy Gobert, l'une des pires match-up qu'il puisse avoir, ça reste quand même Steven Adams, parce que c'est quand même costaud. Hein. Sur le rebond offensif, à la finition, ça reste quand même pas mal. Sur le pick and roll, c'est très chiant à gérer. En plus, le pick and roll, Kessie le tient très très bien. Donc, tu peux avoir la meilleure défense. Le coach de l'année aussi pour moi. C'est quand même trois gros stars en face de toi et t'as un rookie en face. Alors, je veux bien qu'en saison régulière, ça passe. Ça doit passer contre plein d'équipes, etc. Ici, c'est des matchs à enjeu tous les soirs. Enfin, chaque affrontement, pardon. Donc, je pense que trouver une solution pour museler Donovan Mitchell, ça va pas être très compliqué. T'as du Corey Brewer, t'as même du Paul George à les mettre dessus, si Carmelo. Tu veux. Melo, dans une moindre mesure. Oublie que Melo aussi, ça fait longtemps qu'il a pas vu les PO. C'est un joueur qui est assez clutch. S'il met dedans... tu peux faire ce que tu veux, tu sais rien faire contre son jab step, enfin c'est une cata. Donc, non, j'ai sous-estimé Utah en début de saison dans les previews largement, c'est mon gros fail. Maintenant, je veux pas leur manquer de respect, c'est pas ça, mais c'est OK si en face. Voilà, c'est quand même très costaud, c'est quatrième à l'ouest, hein, malgré tout ce qu'on peut dire sur la saison, elle était comme ça, etc. Au-dessus d'eux, il y a quand même pas grand monde. T'as Houston, t'as Golden State et t'as Portland. C'est quand même pas trois équipes de clochards. Donc, voilà. T'es quatrième à l'ouest. Je pense que oui, tu peux taper le Jazz 4-1 sans problème. Le collectif peut prendre un match, par exemple le premier à la maison. Mais je pense qu'au final, l'ambiance dans la Chesapeake, c'est quand même un délire aussi. Donc, Surtout si y en a un des trois qui commence à prendre feu, ça peut vraiment partir en cacahuète. Je disais, il faut se remettre au shoot à trois points. Il y a des shooters, ok, Ah si, oui, mais ça. du solide. Donc, ouais, effectivement, il n'y a pas de banc. Maintenant, Utah, c'est pas le pléthore non plus. Donc, ouais, 4-1 ok, si. Il y a des bas, hein, c'est clair. Non. Les deux, il n'est pas d'accord. Clairement délire, parce que ce qui peut vraiment être fautif pour Casey, On t'entend plus, Flo. ça peut On être ça t'entend fatal. plus. Ça coupe régulièrement. C'est Désolé. clair qu'avoir l'avantage du terrain, par contre, ça désavantage, hein, très clairement. Ne pas avoir battu Portland, Utah, ça le défavorise, quoi. C'est clair. Et aussi, ils ont dû cravacher jusqu'au bout. Donc tout le monde dans l'Ouest est un peu crevé. Donc sur l'état de fraîcheur, tu peux pas dire, à part Golden State qui en avait rien à foutre derrière les matchs et Houston qui a pu reposer. Tous les autres sont même état de fatigue. Donc l'expérience aussi, hein, Après, côté OKC. sur l'ensemble, enfin, un truc tout bête, quoi. Parce que là, je vois OKC passer. Maintenant, honnêtement, j'ai plus confiance dans le projet sportif de construction d'équipe de Utah que d'OKC. Je crois qu'à l'avenir, Utah s'est amené à être une très bonne équipe. Ils ont super bien géré le départ d'Hayward. Franchement, c'est très prometteur. Alors qu'OKC, ça passe ou ça casse, quoi. Par contre, OKC, C'est. okay, s'il passe pas, Paul Ah là, George peut c'est faire ah les là, c'est playoffs. Ça, ça va être foutu. un autre Oh délire. là là là là C'est pour là. ça aussi que finalement, je pense que ça va être une série série. Parce que vraiment, quoi, enfin, personne n'a envie de perdre Paul George là-bas. Donc, s'il perd le premier tour, Paul George, il s'en va et puis c'est tout, quoi. Ah, Donc. ils vont rêver là-bas avec le couteau entre les dents aussi, c'est ok si Hein. Westbrook, une fois qu'il est dans son délire, les autres ça suit. Après, pour le coup, il aura un peu plus de mal, je pense, quand même, Westbrook, genre prendre des rebonds, tout ça, faire des passes, ça va être un peu plus compliqué que contre deux équipes. Ça dépend. Mais. Westbrook, il était les rebonds qu'il prend, c'est des tirs à 3 points avec des rebonds longs, des trucs non contestés. Hein. C'est pas Mais il va en tellement prendre, la là. bagarre qui va les prendre. Il va avoir, je pense, plus de mal, même si il est quand même très très fort. Il aura plus de mal, je pense, sur cette série-là. Mais après, on peut retourner les choses comme on veut. Il y a des points pour, contre. C'est très très compliqué pour pronostiquer cette série. Ah, clairement. Portland contre New Orleans. On va demander à Florestan si sa connexion veut bien. Si ma connexion le veut bien, bon, le sous-major de Nola, on le connaît. Marcus Cousins. Et j'aime beaucoup ce qu'il procure pour cette année. Damien Lillard va chauffer, je pense. CJ McCollum aussi. Ça va être des matchs. Notamment avec l'apport de Mirotic, de Holiday, par rapport à Anthony Davis. Mais je pense que ça va se finir sur 4-2 Blazers. Pas comme série, mais pas trop d'espoir pour Nola. L'année prochaine, ça veut, si tout le monde est là, ça peut faire très très mal. Mais cette année, c'est encore short. Ok. Donc 4-2 Portland. 4-2 Blazers. 2 Blazers. Tancred. Pareil, je vais. Là, ça m'emmerde. Là aussi, pareil, Mais mec, ça l'arrange les pas. Regarde pas les blessures. playoffs alors. Mais non, mais T'es non, mais toujours les c'est. mêmes blessés. Non, c'est pas ça. Ce qui m'emmerde, c'est quel dommage que Nola ne soit pas au complet avec Ah. DeMarcus Cousins. Ça Avec Saint-Jean, m'emmerde parce ça que. manque beaucoup. Quelle belle série ça aurait pu être si Nola avait pu être au complet. Je pense qu'effectivement, les Blazers, ben justement, parce qu'ils sont plus au complet, parce qu'ils sont. Énorme surprise de les voir à cette place-là. Ça faisait longtemps qu'on attendait ça. Voilà, j'ai pas trop envie de m'attarder sur les détails. Je pense tout bêtement que le fait qu'il manque un joueur de poids dans l'équipe de New Orleans finira par. Comment dire, fera que l'équipe va atteindre certaines limites au bout d'un moment et que Portland, emmené par son excellente saison, va passer ce premier tour, ce qui n'est pas la première fois d'ailleurs, mais ils n'étaient jamais allés aussi haut. Donc voilà, 4-2 pour Portland et comme je le dis, quel dommage que Cousins soit pas là parce que. Là, ça aurait pu être une super série. Heureusement, Anthony Davis garde la forme psychologiquement, mentalement pour Ah, bien sûr. Ah, les oui. supplémentaires. Ok, alors on va écouter Emile. Je ne vais pas répéter ce qu'on a dit. Hein. C'est pareil, j'ai beaucoup de regrets de ne pas avoir DeMarcus Cousins jouer ses premiers playoffs. Ça aurait pu être dingue, mais bon. Ce qui est sûr, c'est que là, comment dire, bah Portland, ils ont Lillard et McCollum, et en face, la défense de New Orleans, bah, il n'y a pas vraiment de défense. Donc, c'est juste pour ça que Portland, bah, ils vont passer. Enfin, c'est sur le papier, elle a l'air serrée cette série, mais je trouve pas parce que Lillard, par exemple, hier contre Utah, donc une bonne défense, fallait gagner ce match, bah, il a mis 36 points et ils l'ont gagné. Lillard, dans les grands rendez-vous, je pense que c'est un des mecs les plus sous-estimés et les plus au rendez-vous, quoi. Il rate jamais un moment. Quand il faut être là, il est là. On a tous un moment en mémoire des gros buzzer beaters, des 3 points énormes. Il est toujours là. Donc là, bah, il va faire une série assez monumentale, je pense. Enfin, monumentale. Il va être très régulier et très bon. Alors qu'en face, donc New Orleans va se reposer essentiellement sur Anthony Davis, qui va sans doute faire de Nourkitch en paillasson. Ça, c'est pas la question, mais. J'allais dire son rouleau de PQ, moi, donc vas-y. Ah, ça marche aussi. Mais tenir cette match, j'y crois pas. Après l'All-Star Game ou avant l'All-Star Game, je ne rappelle plus, pendant la période de l'All-Star Game, il a fait une période en 35-15, 40-10 qui était absolument incroyable. Il a tenu longtemps. Mais là, je pense, j'ai du mal à croire qu'il le refasse. Enfin, je veux dire, ça paraît très compliqué. Surtout qu'en face, enfin, avec lui, je veux dire, il n'y a pas tant de joueurs que ça. Et donc, il y a Jrue Holiday, qui est la deuxième menace, on va dire. Et qui, bon, fait une saison correcte sans plus, sachant que le backcourt de Portland défend à peu près, hein, ça peut aller, c'est pas le pire pour ça, ça va pas être très simple. Et puis derrière, t'as qui? T'as Moore, Mirotic, pour scorer. C'est à peu près ça, quoi. Et défendu par Aminu, c'est pas le top non plus. Donc, c'est toujours la même chose. Je pense que Nola va gagner deux matchs, mais sur une série, à la limite, si ça avait été en dessert en cinq matchs, comme à l'ancienne, pourquoi pas? Et sur 7, c'est pour Portland 4-2. Alors, pour le retour d'Anthony Davis en playoff, je mets 4-2 Pélican. Oh. Ah, ça Oh. c'est vous, Ah, c'est ça veut dire ça. qu'il faut les Ah, regarder les mais matchs, moi, là, si je suis je suis venu je avec mes bourses. décrédibilisé en une demi-seconde. Moi, je suis venu avec mes bourses aujourd'hui. Non. Il va nous dire 4-0 Spurs après, ça va pas bégayer. Non, non, je ferai pas ce plaisir à Val. Non, déjà, je pense que dans les joueurs qui sont capables de mettre 50 pions sans trop de problèmes, Anthony Davis fait partie de ces joueurs-là. Bien sûr, il y a Damian Lillard en face, mais je pense qu'Anthony Davis peut le faire. Il revient en playoff, il a son pote DeMarcus Cousins qui va regarder les matchs, qu'il faut faire re-signer derrière aussi, donc il faut montrer un petit peu que t'en veux. Je pense que Portland, pour eux, c'est presque la match-up idéale, parce que la défense de Portland contre une machine comme Anthony Davis, je pense que ça reste des enfants, tout simplement. Il n'y a pas de quoi l'arrêter ou le freiner. Et derrière, je roule l'idée, moi je trouve qu'il fait plutôt une bonne saison. Oui, il fait une saison correcte. Hein. Moore fait aussi une bonne saison par rapport à ses capacités. Mirotic, ça va être intéressant, parce que s'il commence à mettre à 3 points, ça peut piquer. Donc ça peut être pas mal. C'est un peu court sur le banc au niveau des Pélicans, mais sur le 5 de départ, on les a vus quand même faire des séries de matchs, notamment 5 matchs en 6 jours là. Tous les soirs, tu pensais qu'ils allaient crever. Tous les soirs, tu dis ok, aujourd'hui c'est plus possible. Et en fait, les mecs s'en sortaient à la volonté. Et ouais, je pense qu'ils sont capables. De l'autre côté, évidemment, Lillard, je vais pas vous réexpliquer qui c'est. Par contre, j'ai pas aimé la saison de McCollum. Je l'ai trouvé vraiment irrégulier. Et s'il se manque un peu dans une série ou qu'il est un petit peu tenu de près, c'est le genre de truc qui peut te choquer. Surtout sur Lillard, il a fait une saison très très compliquée. Hein. Et des fois, il allait mettre 40 points sur Lillard, et des fois, il faisait Ben, un 3 il sur n'y a pas de 15. Enfin, secret. Si les deux combinés ne mettent pas 70 pions, tu gagnes pas. important cette factorique de cette série, McCollum. Hein. Parce que Damian Lillard, on n'a aucun doute sur sa faculté Moi, c'est à se McCollum. refaire. C'est McCollum qui fera tout. Très irrégulier Honnêtement, comme il s'est troué pas mal cette saison. Donc, Bah, Lillard, il avait déclaré de toute façon qu'il en avait marre de perdre. Donc, si McCollum est pas au rendez-vous et qu'ils sont il y a ça éliminés, aussi. Le je mec pense est que allé voir son McCollum jarte, proprio quand quoi. même pendant la saison. C'est clair. McCollum, s'il est pas au rendez-vous et qu'il perd, ben, Lillard, il demande le départ de McCollum et puis c'est tout, c'est réglé. Ouais, oui, il demande son départ à lui. Ah, je pense pas. Je sais pas. Enfin, bref, en tout cas, il y en a un des deux qui part, quoi, on va dire. Ouais, ça me paraît clair aussi. Donc, Lillard, il va mettre la pression, enfin, pas mettre la pression sur McCollum, mais il va lui dire, faut y aller, quoi. Là, c'est pas une grosse défense, faut y aller, quoi. Pour le coup, à part ces deux-là, il n'y a pas vraiment de gros scoreurs à côté d'eux. Donc pour une défense, on va dire, très ciblée, bah, ok, ton Lillard, il peut peut-être t'en mettre 50 dans la gueule, mais les autres, ils se défendent. De l'autre côté, tu as quand même Davis à qui tu laisses mettre 50 si tu prends la même équation. De l'autre côté, tu as du Mirotic, tu as du Holiday, tu as du Moore, ça peut scorer tout ça. Et alors aussi, n'oubliez pas, et souvenez-vous l'année passée, Rajon Rondo en playoff. Hein. Ouais. L'année passée, contre Chicago, quand il était à Chicago, justement, contre Boston, c'est quand il se blesse que la série se retourne. Et puis il a même pas fait une si mauvaise saison que ça, hein. Non, non, non, À la non. passe, il est À la plus que passe, il a cool. fait une bonne saison, il a l'air bien dedans, il a pas l'air d'être trop tête de con cette année. Ouais, moi je vous le dis, 4-2 Pels. Bah c'est les rotations qui vont faire des choses parce que si tu fais les rotations pour mettre Rondo sur Lillard, ça va être plus chiant pour les Blazers. Ouais, enfin je pense que ça va être les rotations qui vont pas mal jouer pour le coup. T'as ça et McCollum, vraiment. Voilà, c'est ça. Ok, tout le monde a donné son avis, on va passer sur le dernier match où on va donner notre prono pour ce podcast, à savoir le Golden State Warriors contre les San Antonio Spurs. Alors on va commencer que Tancred. Ça c'est quand même hyper chiant pour Golden State qui est un peu dans une phase un peu dilettante, un petit peu ouais bon je fais mes matchs à l'arrache, j'attends que toute l'équipe revienne au complet, et là au premier tour ils se tapent les Spurs qui est quand même l'équipe qu'on n'a pas vraiment envie de se taper au premier tour. L'inconnu là encore hein, c'est les blessures. Qui va être là et dans quel état? Je Ah bah, pense Curry est évidemment pas là et Golden Kawhi est pas là. State. Curry ne sera pas là, c'est Oui. clair. Alors, ni l'un ni l'autre. Alors, je pense évidemment que Golden State va passer. Maintenant, les derniers matchs de Golden State ne me rendent pas particulièrement optimiste. Je vais dire un petit 4-2. Je me termine sur un petit 4-2. Parce que les Spurs, ça fait. Bon, quand on est en 2018, bon, ça fait 11 ans qu'on les enterre concrètement. Bon, ça fait 11 ans qu'ils sortent de terre à chaque fois. Donc, ils vont se battre. Ils vont utiliser leurs qualités. On a Ginobili, on a Parker. Il n'y a pas Kawhi. Bon, ça, c'est un peu emmerdant. Maintenant, il y a toujours l'effectif qui est autour. Il y a toujours Coach Pop. De l'autre côté, il y a l'armada des Warriors, dont je ne doute pas des capacités. Et des capacités offensives et défensives. On a quand même Draymond Green, Thompson, il y a Durant qui est là, bon, Curry sera pas là. Donc, bon, ça me paraît évident que Golden State va gagner, mais ça me paraît évident que San Antonio, et ils vont tout faire pour les faire chier. Et vu les derniers matchs, vu la dynamique de Golden State ces derniers temps, où ils sont là en mode. Enfin, un truc que je trouve par rapport à Golden State, c'est qu'en fait, ils pourraient gagner effectivement les matchs, tous les matchs avec 40 points d'avance, mais en fait, on a plus l'impression que les gars, ils sont là en mode, on va leur laisser 10 points d'avance, et puis à la fin, on fait le rush pour terminer le boulot. Le peu de matchs que j'ai vu cette année, c'était ça. Et bon, bah, ils vont mettre un peu de temps avant de se mettre en mode playoff en disant, ah oui, les gars, en fait, il va peut-être falloir qu'on assure le coup. Donc, je vois quand même San Antonio leur en bouffer deux. Pour le reste, Golden State devrait faire le taf. Et alors, par contre, Golden State, là, je suis inquiet pour eux quand même. Hein. Surtout, là encore, pareil, au niveau des blessures, là, il faut voir qui est là. Ok, Emile? Je suis pas du tout d'accord avec ce que tu viens Ah, de dire, pour le coup. bah, c'est intéressant alors. Ouais, non, mais c'est Freak. intéressant parce que Golden State sont qualifiés depuis un petit moment déjà. On sait déjà, hein, on le sait depuis quelques années, quand ils marchent assez bien sur la ligne. Souvent, bon, ils relâchent la pression pour pas forcer et tout. Là, ils avaient des blessures en plus. Alors, je vois pas pourquoi ils forceraient. Je pense qu'ils étaient clairement sous contrôle. Les mecs font jouer 30 minutes à Quinn Cook. Pour en arriver là, ça veut dire que tu ne vas pas forcément le gagner, le match contre Phoenix, par exemple. Hein. Tu t'en fiches un petit peu. Ils ont quand même signé 2 ans derrière. Non, mais je dis pas que c'est un mauvais joueur, hein, attention. J'ai juste que t'as, enfin, tu vises pas avec la victoire là, à fond, quoi. C'est pas grave si tu le perds. C'est pour ça que moi, je vois pas leur dernier résultat comme un mauvais signe. Comme pour les Sixers, finalement, leurs 16 victoires, bon, il y en a quand même 12 qui ont des équipes qui n'ont pas été en playoff. C'est à relativiser, au final. Après, pour les Spurs, c'est clair que c'est une équipe que t'as jamais envie de jouer. D'ailleurs, gros regret aussi, un peu comme pour Cousine, de ne pas avoir Kawhi dans cette série. Parce que si, là, avec Kawhi, sans Curry, c'est pas du tout pareil. Ça Oh peut oui. clairement être pour les Spurs. On va pas refaire l'histoire, mais voilà. Curry n'est pas là. Bon, il y a quand même Klay Thompson, Kevin Durant, Draymond Green qui va défendre sur Aldridge, vraisemblablement. Hein, voilà. Aldridge, c'est la locomotive d'attaque des Spurs. Parce que derrière, si on regarde vraiment qui score chez les Spurs, on peut avoir du Rudy Gay dans un bon soir qui peut scorer un paquet. Patty Mills, Green. Voilà, on a fait le tour, quoi. Il n'y a pas beaucoup de scoreurs là-bas, surtout la défense. Donc, c'est pour ça que je les vois. Franchement, à la base, je leur avais mis 2 matchs. Mais plus je réfléchis, et moins je me dis qu'ils vont gagner le match parce qu'au final, les Warriors, on les attend au tournant cette année. Le back-to-back, il ne faut pas le foirer cette année. Même s'il n'y a pas Curry pour le premier tour, les mecs ont quand même Thompson, Durant, Iguodala, Green, enfin bref, ils ont quand même les meilleures équipes de la ligue. Faut pas rigoler. Donc, j'hésite entre 4-2 et 4-1. t'es pas si loin de moi au final, quand Non, même. mais sur le résultat, on est d'accord. Mais Ouais, c'est mais surtout sur le l'explication fond, par rapport aux Warriors. d'accord. L'explication. Mais ça, c'est intéressant du coup, parce que c'est pas tant le résultat, c'est plus. Ça va se voir justement sur le jeu en lui-même. Donc là, c'est intéressant de voir nos oppositions. Après, évidemment, bon, y a les oppositions de coach qui sont intéressantes aussi. Coach Pop, pour la défense, il va être extrêmement relou. C'est surtout ça, quoi, parce qu'il y a forcément un match où Durant, il va avoir un pourcentage flingué, parce que la défense va être très très rude. Mais t'as d'autres, ça va pas durer sur 7 matchs, quoi, donc ça va être compliqué. Aldridge, il va faire des gros matchs, c'est sûr, mais il va peut-être en faire 3, allez, peut-être 4, 5, je sais pas. Mais ça va être compliqué de tenir. Je dirais quand même 4-2 pour les Warriors. Parce qu'au final, c'est un tout, c'est un collectif. On sait jamais, quoi. Dejounte Murray, il n'y a pas vraiment. Il n'y a que Quinn Cook en face de lui. Il peut faire des trucs sympas. Il peut être bon. Mais voilà, il peut. Il y a beaucoup de potentiel. Mais au final, faudra voir, quoi. Mais ça peut être un 4-0 comme un 4-2, quoi. Je tiens à dire, juste petite parenthèse, si les Warriors sont champions cette année, Steve Kerr, il aura sa 8e bague. 8 bagues. Ah ouais, c'est pas faux. Mais il sera pas champion, faut le dire. Ah, ça, c'est pas gagné. C'est pas gagné. Ok, Flo, à Vous toi. l'aurez entendu ici en premier. Kawhi. Aïe, bon sang. Dommage de voir ces Spurs là qui tombent contre Golden State. Ah, comme vous dites, comme vous avez dit, ils sont pas dans une phase extraordinaire, Golden State. Contre eux sur les quelques. La coupe. Peut se faire quelques frayeurs par rapport au dernier match qu'ils nous ont procuré. Les Spurs peuvent forcer peut-être 2 si Aldridge, Rudy Gay force. Mais ça reste Golden State. Ça reste Kevin Durant. Je vais pas vous faire tous les noms. Je vais pas vous faire un. Oui, ça gagne. C'est certain. C'est dit. Oui, c'est mes 4-2. 4 secondes 7. Même s'il n'y a pas C'est Stephen ça qui est Curry. dur, c'est qu'on se dit que pour que les Spurs gagnent, il faut qu'Aldridge soit bon, il faut que Gay soit bon, il faut que la défense soit au rendez-vous. C'est ça qui fait la différence contre les Warriors. Alors que si on regarde par exemple C'est Spurs pareil pour Rockets, eux. C'est pareil pour ouais, Golden non. State. Ouais, mais je trouve que ils ont plus de. Déjà, ça défend. Bon, c'est quand même une défense très correcte, hein, Golden State, ça va. Et puis, il y a quand même. Bon, Curry n'est pas là, mais il y a quand même pas mal de possibilités d'attaque, je trouve. Comparé aux Spurs. Alors que si tu regardes par exemple Spurs Rockets, et ben la défense des Spurs, qui est quand même toujours au rendez-vous, elle fait que les Rockets ont beaucoup plus de mal parce que ils Mais sont que deux. beaucoup basés sur le tir à 3 points et ils ont moins de solutions offensives, autres que les 3 points, que les Warriors. Donc c'est pour ça que si tu mets par exemple Spurs Rockets, j'aurais tendance à dire que les Spurs peuvent y aller, mais Spurs Warriors, c'est pour les Warriors. y a trop de. Ok. On sent quoi, il me manque Kawhi Leonard. Il me manque. Mais j'aime ce type. J'aime son basket et ça me manque. Ok, on va t'envoyer un poster dédicacé. Où es-tu, Kawhi? Ça me dépite. Il est en train de régler son transfert au Lakers. Il est à New York. Ah okay. Ouais, au Knicks. Oh, qu'est-ce que ça serait bien. Calme-toi. Non, il fait juste sa rééducation à New York. Hein, calme-toi. Ouais. Ah oui, merde. Oh. C'est pas grave. Voilà. C'est vrai que l'absence de Curry, c'est très, très dommage pour Golden State parce que il fait partie intégrante vraiment de ce système offensif qui est mis en place par Steve Kerr. Et c'est une vraie tuile pour eux, je pense, de pas jouer avec Curry. D'abord pour ses pourcentages, hein, c'est clair. Et puis pour le spacing qu'il crée pour Durant aussi. Parce que effectivement Durant a un très bon shoot à 3 points, au extérieur, ou à mid-range, tout ce que tu veux. Mais c'est quand même plus simple pour lui d'évoluer quand Curry est autour. Klay Thompson, il va peut-être pas devoir se concentrer sur la défense comme sur d'autres séries, mais il va falloir qu'il mette à 3 points. Et ben voilà, lui aussi, il n'est pas à l'abri de se manquer. Alors, pas surtout d'une série, mais quand même, il peut se manquer sur 2-3 matchs. Green, en attaque, c'est pas vraiment une option extrêmement viable, surtout en face, quand tu as une défense assez serrée et efficace comme les Spurs. Tu as quand même Aldridge qui est sur une très bonne saison, qui aura certainement envie de confirmer en PO. Rudy Gay qui est pas vilain. T'as Pau Gasol qui sort du banc qui est toujours capable de faire un truc ou deux. Bref, sur le secteur intérieur, quand même, je trouve que les Spurs ont un coup à faire. De là, gagner une série, je pense pas. On va mettre. Allez. On va mettre 4-3 pour les Oh, Warriors. oh t'es chaud là. Tu veux... là Ouais. franchement, Alors, moi, je veux du j'espère sang. que Je veux du c'était sang. playoff. Hein. Je veux J'espère vraiment que du c'était sang. playoff qui vont arriver parce que ça va être épique. Si ça, Valentin va être très content d'écouter ce podcast. c'est... Ouais, mais écoute, je te le dis. Pour moi, l'intérieur, les Spurs ont la main. Parce que tu me dis que Oui, c'est Green va clair. défendre sur Aldridge. Si c'est le cas, Non, non, Aldridge, mais il peut en mettre 40-50. c'est ça, Aldridge, c'est ce que j'ai dit, Aldridge, Déjà, un c'est. défenseur normal sur Aldridge, pour choper son tir quand il le met en cloche, là, c'est déjà une galère. Bah Vraiment, même c'est une Anthony galère. Davis, il n'y arrivait pas, quoi. Donc, Ouais, c'est ça. ouais, De c'est l'autre très bon signe. côté, Rudy Gay, s'il se retrouve en opposition avec Green, ça peut être un truc qui s'annule à peu près, mais ça va quand même faire chier Green, parce que je pense pas qu'il ait l'avantage de la taille. Il va devoir en plus mener l'équipe à la voix aussi, parce qu'on sait que c'est lui les bourses de Golden State. Tu n'as pas de solution de 3 points facile en transition avec Curry. Donc mine de rien, ben, ça change un petit peu ta façon d'attaquer côté Golden State. Alors en défense, c'est sûr que la présence ou pas de Curry, ça change pas grand-chose, mais sur un duel de défense et d'échecs, Ouh, etc. attends, attends, l'apport défensif de Curry, il est pas nul non plus, hein. J'ai pas dit qu'il était nul, mais ça change pas grand-chose. Là, mais... Il y a aussi ce qui attaque en Ouais. face. Ce qui attaque en Oui. face, c'est pas, ça représente pas grand-chose. Donc forcément, ça Ok, change pas sur ce grand-chose. plan-là, d'accord, oui. Oh, mais même si tu mets un gros score en face de lui, c'est pas non plus la folie Curry en défense. Hein. Plus de bon, Ça bien va, sûr. mais c'est pas sa spécialité, quoi. Tu vois, bon. Ok. Donc, ouais, deux grosses défenses, enfin deux bonnes défenses qui s'affrontent. Ouais, un petit peu plus d'armes offensives quand même. Enfin, non, beaucoup plus d'armes offensives côté Golden State, mais qui peuvent être vraiment gênées par la défense des Spurs. Même si ces deux grands coachs, je laisse toujours la prérogative à Pop, faut arrêter de déconner. Bah bien sûr. Kerr, il a aussi les sous-joueurs qu'il a, hein, malgré ses qualités, il faut pas oublier ça quand on calcule son histoire. Alors effectivement, pas Kawhi, ça aurait été bien. Je crois que si Kawhi avait été là, j'aurais mis 4-3 pour les Spurs. Ah oui, très clairement. Et là, Oula, ah ah ouais, bah, ah moi parce que le j'aurais mis les mec, tu Spurs le colles gagnés sur aussi. Durant en face. Bah, il Rappelez-vous la défend, série il l'année attaque. passée avant que Ouais, Zaza c'est Pachulia vrai. lui casse la Ouais. gueule. Hein? Oui, j'ai pas fait Ouais. exprès, hein, t'as raison. Ouais. Moi non plus, je vais sous les gens, ça m'arrive souvent. Dès que je les vois sauter, hop, je me mets en dessous. Oh, j'ai pas fait exprès. Ouais, 4-3. 4-3. 4-3 Warriors. Mais Moi tu j'aimerais bien, parlais moi de personnellement ça me l'opposition. déplairait pas, mais je crois pas trop. En Mais... fait, ils sont. Effectivement, il va falloir un petit peu de temps pour qu'ils chauffent. Et c'est la pire match-up pour te mettre en jambes. C'est les Spurs, Ah oui, parce qu'ils ça vont te c'est clair. casser tout ce que tu fais, tout ce que tu entreprends, ils vont tout Forcément, te oui. fracasser. Donc Par du contre, coup. Golden State, en battant les... Si, enfin, on suppose qu'ils vont quand même passer les Spurs. Du coup, après, ils seront bien rodés, hein. Là, ils Ah sont oui, dans une bonne niveau phase. avoir une défense de merde sur la gueule, oui, ils vont être rodés, oui. Effectivement. Les mecs qui vont les prendre, par exemple, au tour d'après, je les plains. Tu vois? Pour moi, c'est Pas censé être les facile, mais ça va être Pélicans. compliqué. Voilà. Hein? Mais Donc. je continue dans la petite anecdote, puisqu'on parlait de l'opposition entre Kerr et Popovic, et par rapport à ce que j'avais dit. Steve Kerr a d'ailleurs deux des titres de Steve Kerr ont été gagnés sous les ordres de Popovic, Ça puisqu'il était rajeunit pas joueur aux trop, ça. Spurs. Ouais, bien sûr. Non, il connaît bien la maison, il connaît bien la façon de faire du gars. Ils sont affrontés en série régulière, donc oui, à voir. Mais je te dis, pour se remettre en jambe après la fin de saison que t'as faite, prendre les Spurs derrière, c'est le pire. C'est le pire. Et c'est pour ça que je te dis. Va falloir qu'on mette confiance très vite, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair, il va falloir que Durant charbonne tout de suite et très fort. Et avec des gros pourcentages, alors il en est capable, mais il faut quand même le faire sur minimum 4 matchs. Ça reste pas simple, même pour Durant. Il faut que Thompson mette dedans comme un cochon, parce que sinon derrière, tes options à 3 points, t'en as quand même pas 1000. T'as quand même des. Ah, t'as Bell et Cook, je crois qu'en expérience playoff, hein, bah, c'est pas ouf. JaVale McGee aussi, hein. Ouais, alors JaVale McGee, tout ce que vous voulez. Yes. désolé, hein, mais contre les intérieurs des Spurs, JaVale McGee, c'est mignon. T'as Nick Young qui sort du banc, t'as plus Omri Caspi parce que tu l'as baillé pour prendre ton Quinn Cook. Il reste quoi là, David West? David West. C'est pas. Voilà, pas ouf non plus. En plus, lui, dans le genre, on te connaît, je crois que ça va, niveau Spurs. Si ça met un peu dedans, si Dejan Temeray fait des bons PO, j'attends aussi Tony Parker en sortie de banc. Attention, parce Sale que petit homme. lui, en termes d'expérience contre de la deuxième unité des Warriors, ça peut être très chiant. Donc ouais, non, 4-3, 4-3, mon petit 4-3, j'aime bien. Je trouve qu'il y a trop de mecs Bilan en train de... De quoi? On sous est... Qui parle? Vas-y, Florence, vas-y. Immobilier en 30-10-10, là, c'est parti. Ouais, Ginobili, je l'ai peut-être oublié aussi. Lui aussi, il va faire chier. C'est obligé. Je trouve qu'on sous-estime trop les Warriors, moi. Enfin, déjà, je trouve qu'on sous-estime trop. Bah, on prend trop en compte la fin de saison. C'est un peu comme les Cavs, souvent. Hein, les Cavs, on dit, ouais, leur saison régulière, voilà. Puis au final, bon, on sait ce que ça fait. Hein. On se retrouve en juin, en finale. Et je trouve qu'il y a un peu trop de. Comme tu as dit, enfin, tu dis si, comment t'as dit, si des joueurs téméraires fait des bons playoffs. Bah, je trouve qu'en fait, il y a trop de si pour que les Spurs fassent un 4-3, quoi. Il y a trop de conditions. Attention, je me base pas que sur la régulière ou sur tous mes si. Il faut pas oublier qu'il y a un fait, c'est que Curry est pas là. Ah oui, non, mais ça, c'est clair. Et ça joue Ça beaucoup quand tu vois les joue systèmes beaucoup. d'animation offensive des Warriors. Il fait énormément en petite pause d'écran, en mobilité, en coupe dans le backdoor. Il est très chiant parce qu'il faut Complètement. avoir tout le temps l'œil dessus. Ah, c'est juste que je trouve qu'il y a plus de, comment dire, de certitude en fait du côté des Warriors. Ils savent qu'en fait s'ils vont jouer contre une défense relou, ils savent aller voir Aldridge très fort. Ils savent qu'il y a peut-être un joueur du banc, deux joueurs du banc, Ginobili, Gay qui peuvent sortir comme ça. Ils savent que ça peut arriver. Mais en face, bah, eux, ils sont sûrs de leur force. Ils savent que Klay Thompson, Ça peut bah, être un c'est défaut un. aussi, ça. Non, mais je pense pas qu'ils aient la grosse tête à ce point-là, tu vois. Enfin, on en a parlé pour les Bucks. Si ils ont cet état d'esprit-là, cet état d'esprit en se disant, bon, voilà, on est sur nos forces, ça peut être pose de problème. Je pense pas que les Warriors soient comme ça. Parce que s'ils étaient comme ça, ils auraient pris les playoffs de l'année dernière par-dessus la jambe, ils auraient pas gagné. Enfin, tu comprends ce que je veux dire, quoi. Ils ont des Mais certitudes, ils pourtant, se plaignent pas trop. l'insuffisance des Warriors, c'est un défaut qui a souvent été relevé. Hein. Alors ici, c'est Avec les Curry. PO, tout ce que tu veux, ok, d'accord, Surtout mais... avec Curry, je trouve. Surtout avec Curry. Parce que Curry Ouais. était certain source. Enfin, je sais pas, mais. C'est pas que je sous-estime, mais je trouve que l'opposition des Spurs, c'est toujours très chiant à prendre. Voilà, c'est toujours très chiant, mais c'est ce que je dis. La défense est chiante. Mais après, en termes de conditions pour qu'ils aillent loin, ils vont être chiants, mais les Warriors le savent. Kerr, c'est pas non plus un. n'importe qui. Hein. Il peut coacher en fonction, il l'a déjà fait l'année dernière, sans Kawhi, bien sûr. Donc voilà, il sait à quoi il va s'attendre aussi en termes de défense pure. Après le reste, voilà quoi. Regarde, l'année passée, tout le monde était là. Ils se font casser la gueule par les Spurs. Kawhi sort, hop, il gagne. Cette année, il y a, ok, il n'y a pas Kawhi, il n'y a pas Curry de l'autre côté. Ça fait quand même de gros absents. Donc... Bah, je trouve qu'en fait, la défense de Kawhi fait plus mal que la défense de Curry. Parce que Kawhi, il défend bah oui, en plus. Bien sûr. En plus, et l'attaque aussi. Et il scorait, voilà, c'est ça. Alors que Curry, même si tu disais que c'était un élément un peu central de l'attaque, c'est juste, en fait, si tu regardes l'effectif de base là, des Warriors sans Curry, c'est une des meilleures équipes de la Ligue. Et en fait, si tu rajoutes Curry, c'est ce qui fait que cette équipe, elle devient injouable. En fait, c'est pour ça que si tu avais Curry, le métronome. Mais sans Curry, tu domines largement les Spurs pour moi. Sans je te dis, tu sous-estimes beaucoup, je pense, ce que Curry fait dans le système d'attaque des Warriors. Vraiment. Ah bah ça, c'est il apporte. Parce que c'est du drive, du shoot, de la coupe, des écrans. C'est quand tu regardes les systèmes flex des Warriors, je ne vais pas rentrer dans le technique et tout, mais... Ah, je m'y connais pas, c'est aussi c'est... même ouais, que système. Voilà, c'est ça. C'est... Donc c'est... Pour ça, c'est sûr, hein, je te le laisse. C'est... Les trois quarts du système sont faits pour faire croire à la défense adverse qu'il va prendre un shoot à 3 points. Et donc, du coup, tu te mets à le suivre de partout pour l'avoir à l'œil. Là, il n'est pas là. Tu perds quand même en drive à l'anneau. Tu perds en 3 points, tu perds en passing. Enfin, tu vois, tu perds sur pas mal de choses. À compenser, c'est infaisable, déjà, parce que c'est bah, Curry, faut pas déconner. Mais, bah, t'as pas une coupe, quoi. Ouais. Mais même pour essayer de aller, d'atteindre un petit peu son niveau, même ça, c'est déjà pas simple. C'est vraiment déjà pas simple. À voir. Mine de rien, Curry est peu... Je mets Warriors gagnant, de toute façon, au final. Hein. Donc, c'est quand même eux qui remportent le truc, parce que, bah, évidemment, ils ont plus de solutions offensives, mais... Honnêtement, j'accuse pas les gens de sous-estimer les Spurs, mais plutôt de mésestimer l'importance de Curry dans le système d'attaque. Vraiment. Ça sera intéressant à voir en tout cas. Ouais. Vont pas, Pierre va pas aborder la même chose qu'en régulière, parce qu'avec cette défense là, ouais, ça va être intéressant. Bon, quoi qu'il en soit, sur l'ensemble des matchs qu'on a sur lesquels on a échangé. Je l'ai dit plusieurs fois, ce qui est franchement, si tout le monde était au complet, ça serait vraiment génial. Et c'est bien dommage que certains absents, les absents vont nous manquer, mais on aura de belles séries. Les absents vont nous manquer, mais s'ils avaient été là, ça aurait été une des meilleures séries de playoffs de ces 4-5 dernières années. Après, ce qui manque quand même, c'est pas les mêmes matchs. Bon, ce qui manque, c'est un duel légendaire. Tu vois. Oh, ça va rivalité. Venir, ça. Non, mais il y a, tu vois, sur le papier là, il y a pas deux équipes qui sont particulièrement rivales, tu vois, qui s'affrontent. Il y a pas un Cleveland, Miami, par exemple, tu vois, une opposition Wade, LeBron. T'as pas un OKC, Golden State. Au fil des saisons, j'ai toujours eu ce sentiment que le premier tour des playoffs était un genre de continu de la saison régulière. Je pense que les playoffs deviennent vraiment quelque chose de particulier au deuxième tour. On sent qu'il y a encore la dynamique de la saison régulière au niveau du premier tour et ça permet de rentrer dedans un petit peu. Premier après match. Le deuxième tour, c'est vrai, voilà. Puis après, ça se lance. Là, c'est normal qu'il n'y ait pas forcément un duel mythique tout de suite. C'est au sommet que ça se passe et à mon avis, ça va très rapidement arriver. En tout cas, on suivra ça de près. En tout cas, merci Flo, merci Emile et merci Tancred pour vos avis. On espère que ce podcast vous a plu. Passez des excellents playoffs. On se retrouvera certainement après pour commenter le deuxième tour et donner nos pronostics. Voir si on s'est planté, voir si mes coups de bourse sur la table, c'était du vent. Ou si j'avais et si vu je juste... vais payer... Et si je vais payer mon McDo oh, si ouais. Tu vas payer ton allez, McDo. Washington. Allez, Washington, on le dira jamais assez. Et ben voilà, tu t'es porté bien. Quoi ? Flo, on n'a plus rien compris. On entend Dustin qui parle, on ne sait pas ce que tu dis. C'est pas grave, on va couper là. En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Et on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, des bons matchs de playoffs de premier tour. Et on se retrouve vite sur cuibasket.net. Ciao. À bientôt. Salut.